Bonjour à tous et à toutes. Et oui, vous avez l'air d'être un petit peu étonnés de me voir aujourd'hui en poste. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est une petite émission un peu spéciale. Nous avons aujourd'hui la visite dans nos locaux de FR3, justement, qui vient nous rendre visite pour parler un petit peu de la radio et justement aussi du match à venir France-Portugal. Donc j'ai aussi madame la présidente Christine qui est arrivée. Bonjour Christine. Bonjour Manu, bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, ce France-Portugal, on aurait dû parier tous les deux, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais perdu, parce que j'avais dit qu'on gagnerait, mais pas comme ça. D'accord. Pas comme ça. Moi, par contre, j'avais demandé à ce qu'il n'y en ait pas un France-Portugal, parce que c'est difficile, parce que notre cœur balance d'un côté et de l'autre. Et finalement, le plus important, c'est qu'effectivement, notre cœur balance côté Portugal ou français. Mais on sera content quand même à la fin. Nous, on sera toujours gagnants, nous qui sommes des franco-portugais, on va dire. Que ce soit l'un ou l'autre, on sera toujours gagnants. Que ce soit le Portugal qui gagne ou que ce soit la France, donc nous, dans nos cœurs, on sera gagnants. Donc, on peut dire aussi que c'est l'histoire qui se répète. Si vous vous souvenez, il y a 8 ans en arrière, en 2016, Coupe d'Europe en France, c'est... Donc, on va dire qu'on aura une finale avant la finale, vendredi à 21h. Tout à fait. Et justement, moi personnellement, oui, je suis pas vraiment un footu comme vous tous, mais je regarde le foot que de temps en temps. Quand c'est des matchs importants, j'aime. La seule chose que je demanderais, c'est qu'effectivement qu'on n'aille pas jusqu'au pénalty, que ce soit un match équitable et un bon match. Que ce soit dire. Un bon jeu, quoi. Voilà. C'est ça. Que actuellement, on peut dire que ça soit du côté des Français comme du côté des Portugais, on peut pas dire que. Ils sont au meilleur d'eux-mêmes, quoi. Pour moi, c'est mon avis personnel. Je sens pas. Donc hier, j'ai regardé l'équipe du Portugal. C'est pareil, je suis pas un expert, mais cette équipe, c'est. On a des très bons joueurs qui jouent très bien à l'étranger, et quand ils sont ensemble, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas. Il y a pas de création de jeu. Ils sont un peu lents. Voilà, ça, c'est mon opinion personnelle. Du côté des Français, j'ai regardé aussi un petit peu leur dernier match. Peut-être plus d'occasions que nous, ils ont eu des occasions, mais c'est pas l'équipe de France qu'on connaît. Par contre, ça reste quand même l'équipe de France, qui font partie des favoris, quoi. Donc voilà, attention aux Portugais, c'est tout ce que je leur dis, attention. Faut pas y aller déjà avec la victoire non, ça va pas se gagner comme ça. Voilà, il y a du travail. Et effectivement, on est content. Nous, personnellement, effectivement, on sera en pleine préparation d'un très gros événement, mais ça sera historique parce qu'effectivement, travailler en écoutant un match, parce qu'on ne pourra pas le regarder, on est bien d'accord. Nous, bénévoles de Radio Arc-en-Ciel, on est sur un parc pour préparer un festival et on aura en haut-parleur, on mettra effectivement notre match en diffusion. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Urlat, qui est totalement... c'est un truc, j'ai l'impression que c'est comme un... Comment dire c'est quelque chose dans nos racines, parce qu'écouter écouter le match à la radio, c'est inné, c'est pour parce qu'ils crient et ils ont une façon de l'expliquer. Justement, j'ai retrouvé un petit morceau de deux journalistes sportifs d'Antenne 1 de 2016, justement en finale. Si vous voulez, je remets un petit morceau et vous allez, c'est dingue. Et d'ailleurs, c'était encore eux hier, je les ai écoutés. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher cette énergie. Si tu veux, je passe ce petit morceau-là, il dure 2 minutes. Ah. Et vous allez voir ce que ça donne vraiment quand les Portugais. T'as envie de nous faire vivre là, hein. Donc on va écouter ça, écoute. Terminar daqui a pouco! Eu só tenho uma coisa para dizer aos franceses. Só tenho uma coisa para dizer aos franceses. Pelo licença, abrem as goelas aí, Alson. Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! É memorável! É memorável! É um momento memorável! Falta um segundo! Vai um pouco mais de 5! 5 milhões! 59! 120! Apita! Apita! Apita! Apita! Vamos ter! Apita! Apita! Apita! Vamos ter! É campeão! É campeões! Campeões! Nós somos campeões! Efetivamente. c'est mémorable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une façon de vivre le foot autrement à la radio. C'est pour ça que la radio se doit d'être présente, parce qu'effectivement, dans nos vies, on n'a pas toujours la télé, on ne peut pas toujours être devant notre écran. Et la radio est un moyen de communication très important. Donc voilà, donc là, pour les gens, nos éditeurs qui ont entendu ce morceau, bien sûr, c'est un morceau d'il y a en 2016. On espère revivre. Voilà, parce que vendredi, ça va être une finale. Vendredi, c'est Portugal-France, c'est comme si, je pense que c'est encore mieux que la finale qu'on aura le dimanche 14. Parce que c'est une vieille histoire, France-Portugal, voilà. On sait très bien que la population portugaise en France est énorme. Donc ils seront tous devant leur poste. Bien sûr, la moitié, beaucoup de Portugais vont soutenir, ce qui est tout à fait normal, leur équipe qui est le Portugal. Et l'autre, il y aura aussi des franco-portugais, vraiment, que moi je sais que dans ma famille, j'ai ma petite fille, voilà, et tout ça, ils sont à fond là-dedans. Mais j'ai des gens qui soutiennent aussi la France, et c'est des Portugais. Mais c'est tout à fait normal. Tout à fait. On est pour les deux. Enfin, moi, voilà. Personnellement, oui, je suis pour les deux. Moi, mes enfants, avec aujourd'hui la mixité des couples, des jeunes couples, parce que chez moi, j'ai le moitié français, moitié portugais. Donc, monsieur français, madame portugaise, madame française, monsieur portugais. Donc, on a la mixité des couples chez nous. Donc, on est obligé d'être pour les deux. Alors, ce qui est marrant, c'est donc les couples français-portugais, que donc il y a un français et un portugais. Alors, vous avez chacun soutient son équipe, mais ça se termine toujours bien, je vous rassure, dans les couples. Et souvent, ils mettent les deux drapeaux. Justement, tout à l'heure, j'étais sur la voiture, et puis je voyais déjà des drapeaux aux fenêtres, et je voyais le drapeau portugais-français. Je me dis, ça, c'est un couple, à tous les coups, français-portugais. Pour pas qu'il y ait d'histoire, faut mettre les deux drapeaux. Tout à fait. Donc voilà. C'est en tout cas, c'est qu'un jeu. Faut se dire, c'est qu'un jeu, que le meilleur gagne. Et nous, en tout cas, on sera pas perdants, que ça soit la France ou le Portugal. On soutiendra celui-là qui ira le plus loin possible. On les soutiendra. Tout à fait. Et nous, Radio Arc-en-Ciel, en termes de radio associative, on est là aussi pour retransmettre ce match. Juste pour la petite histoire, nous, Radio Arc-en-Ciel, radio de la communauté intercommunautaire, on sera toujours là pour diffuser et passer toutes les émissions en direct, que ce soit un match, que ce soit un moment important, car Radio Arc-en-Ciel existe depuis bientôt 42 ans. Bien sûr, on a passé la quarantaine. Alors, pour la petite histoire, Radio Arc-en-Ciel a eu à deux dates importantes, car nous avons la date de création de IOTA, Radio Arc-en-Ciel, mais nous avons aussi la date de création de l'antenne. C'est très important aussi, la création de l'antenne, qui date de plus de 42 ans. C'est important, ce sont des dates qui sont importantes pour Radio Arc-en-Ciel, car sans antenne, on ne pourrait pas émettre, et ça, on se doit de le faire. Aujourd'hui, Radio Arc-en-Ciel compte 8 membres du conseil d'administration, une vingtaine d'animateurs, une centaine de bénévoles. C'est une famille qui s'agrandit. Aujourd'hui, nos enfants, les amis de nos enfants, les plus jeunes s'y intéressent, que ce soit la partie du festival, que ce soit la partie de la radio en elle-même. Nous sommes uniquement et tout simplement des bénévoles, mais des bénévoles passionnés par cette radio qui a une quarantaine d'années s'est créée, et notre devoir aujourd'hui, c'est de continuer. On se doit pas d'arrêter, on se doit pas d'un jour se dire au revoir, on ferme la porte. Non, malgré que parfois c'est compliqué, mais on continue. Thank you. Tout à fait. Il faut continuer et donner vie à ce qui a été construit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en deux clics, deux mouvements, tout est fait. Mais il y a quelques années de ça, c'était assez complexe. Et il fallait effectivement se déplacer. Juste un petit truc, je suis désolé, on me prévient que je passais pas à l'antenne. J'ai oublié, comme j'ai vu, tout ce que j'ai dit avant n'est pas passé. Donc, je suis un peu désolé, mais bon, en fin de compte, ce que je disais, c'était pour remercier tous les gens qui nous ont aidés et des fondateurs jusqu'à aujourd'hui qui ont aidé cette radio à arriver où est-ce qu'elle en est, quoi. Comme je disais, nous avons pu changer notre table de la console. Évolution, effectivement, nous évoluons par nos passons de l'analogique au numérique. Voilà, on est passé au numérique. On a fait beaucoup de travaux dans cette radio. Bah, bien sûr, on la met toujours, on essaie de toujours la voir à la pointe. Et tout ça, c'est grâce à tous nos bénévoles, nos sponsors, toutes les communautés aussi, parce qu'il faut dire que Radio Arc-en-Ciel, c'est pas qu'une radio portugaise, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de Français, il y a un petit peu de tout. Ah ben, tout à fait, parce que notre grille des programmes se doit d'être 50% portugais, 50% français. Et ça, c'est très important qu'on puisse avoir ces deux langues présentes. Et aujourd'hui, on maintient cette grille des programmes aux deux langues. Et purement portugais, purement français. Voilà, et ça continuera comme ça. De toute façon, c'est le but de cette radio. C'est pas qu'une radio portugaise. Voilà, faut que bien les gens le sachent. Cette radio-là, elle est franco-portugaise. On a eu des émissions, je pense, on a marocaine, algérienne, je crois. On a eu du brésilien. Donc voilà, c'est du brésilien. On a du brésilien aussi. On a du brésilien. On a du cap-verdien. Et de l'espagnol. La voix espagnole, oui. Se doit aussi, c'est important que cette voix reste aussi. Ce sont nos compatriotes et puis en même temps, c'est ce pays qui reste entre la France et le Portugal. C'est important que cette voix espagnole soit présente. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette radio. Donc aussi peut-être en profiter encore parce qu'on a l'antenne, mais bon, voilà, que Radio Arc-en-Ciel organise le 6 et le 7. Alors c'était le combien l'événement ? C'est le 35. La 31e édition du Festival des Saints Populaires au Parc de Lignerolles. Donc c'est notre joujou, c'est notre festival et c'est très important. Et justement, j'appelle justement à tout le monde à venir, que ce soit des Portugais ou des Français, mais justement à fêter la victoire le samedi et le dimanche, que ce soit le Portugal qui gagne ou que ce soit la France, venez nombreux justement à cette fête. Super, merci voilà. À toi. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Excusez-moi d'avoir pris justement l'antenne pendant ce petit apte de temps, mais bon, il le fallait parce que nous avons la visite de FR3 qui est venu nous rendre visite. Et c'est un grand merci à eux d'ailleurs, c'est très gentil de leur part d'avoir pensé à nous. Donc voilà. Donner de l'image à notre voix. Et de voix. L'importance aussi à notre radio. En tout cas, un grand merci à eux. Merci à vous et sûrement que ce sera. Ça passera ce soir à l'antenne. Ah, ça passera ce soir. Alors, le petit reportage passera ce soir sur FR3 à partir de 19h15. Donc, tous ceux qui veulent voir justement ce petit enregistrement qui a été fait, donc voilà, allumez vos postes ce soir sur FR3 à partir de 19h15. Super. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. À bientôt. quatro do costume, e os quatro do costume estão a falar dos Perpétua, a Beatriz, o Diogo,